Chapitre 11. Les pronoms. Unité 52. Les pronoms toniques. C'est toi, Stéphane ? Non, ce n'est pas moi. Stéphane, c'est lui. Moi, c'est Jérôme. 1. Forme. Qui est là ? Moi. Je suis français. Et toi ? Stéphane, c'est lui. Il habite chez elle. Vous êtes suisse ? Non, nous, on est belges. Tu aimes Paris ? Nous aussi. J'ai un message pour vous. Tu travailles avec eux ? Ces valises sont à elle. 3. Prononciation. Avec les pronoms « elle », « eux » et « elle », on fait la liaison avec la préposition « chez ». J'habite chez elle. On fait l'enchaînement avec les prépositions « avec » et « pour ». Je voyage avec eux. Ils travaillent pour elle.